Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021, il est 14h01, nous sommes en direct, il est un peu plus de 14h du coup, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Et pour ce nouveau numéro, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Loïc Létang qui est venu nous parler de son entreprise, de son agence web appelée LTG Service. Bonjour Loïc. Bonjour Chris. Comment ça va ? Eh bien écoute, très très bien. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Loïc Létang, j'ai 27 ans et je suis dirigeant de la société LTG Service qui est du coup une agence web basée à Remiremont. D'accord. Et du coup maintenant, pouvez-vous présenter en quelques mots à nouveau, vu qu'on va approfondir pendant toute cette heure d'émission, votre agence web LTG Service. Qu'est-ce que LTG Service ? Donc LTG Service, c'est comme son nom l'indique, c'est une société où on fait de la prestation de services dans le domaine informatique, donc plus particulièrement en création de sites internet vitrines, sites e-commerce, applications mobiles, applications web et web marketing en général. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom de LTG Service ? Alors déjà, LTG, c'est le diminutif de mon nom de famille, donc Létang. Donc, on va dire assez simple à mettre en place. Mm-hmm. Et le côté service, c'est vrai que c'est le côté un peu couteau suisse où voilà, on a pas mal de choses dans l'agence en termes de fonctionnalités et de spécialités. Donc, on est vraiment un peu un couteau suisse de l'agence web. D'accord. Et depuis combien de temps cette entreprise existe-t-elle ? Donc LTG Service, elle a été ouverte le 1er janvier 2016. D'accord, donc ça fait... un peu plus de 5 ans. 5 ans, donc en 1er janvier du coup. Et quel était votre parcours personnel ? Avez-vous fait des études dans le domaine du web ou avez-vous fait des études dans un tout autre domaine avant de vous diriger plus tard vers le web ? Alors, en ce qui concerne mon cursus, donc moi je suis originaire d'ici, donc j'ai grandi à la Forge entre Remiremont et Gérardmer. J'ai été au lycée André Malraux, bah du coup à Remiremont juste à côté, et ensuite je suis parti à Belfort faire un DUT informatique, donc pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait une petite pause à l'étranger pendant 2 ans à Londres et je suis revenu en France du coup pour continuer mon cursus scolaire en intégrant une licence professionnelle à Nancy, donc plus développé développement web. Et je suis rentré en France du coup en 2015. D'accord, donc déjà avant vous aviez l'objectif de travailler dans le monde du web ? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, pas forcément dans le monde du web, plus dans le côté informatique où ça me plaisait vraiment le côté, on va dire, créer quelque chose, on va dire, de A jusqu'à Z, en développant des idées. Déjà, quand j'étais, on va dire, adolescent, entre 14 et 18 ans, j'aimais bien un peu bidouiller pas mal de choses du côté des ordinateurs. Et ensuite, ça a plus été sur le côté site internet, où vraiment, là, bah, pour diverses associations, j'ai commencé un peu comme ça. Et donc, le DUT informatique m'a permis de vraiment me rendre compte que j'étais plus côté web, plutôt que vraiment l'applicatif et le côté machine. Donc c'est pour ça que ma licence pro, je l'ai vraiment orientée, spécialisée vers le développement web. D'accord. Donc est-ce que justement le développement web et tout ce qui est le milieu donc, du web et de l'informatique, ça fait partie de, on va dire, de votre famille ou c'est juste vous qui êtes dans ce domaine et c'est tout ? Alors, pas forcément dans la famille. Alors, on a eu un ordinateur assez tardivement, on va dire dans les années entre 2003 et 2005, comme ça je dirais. Mais c'était quelque chose qui était, on va dire, utilisé par la famille, mais surtout par mon père, qu'il utilisait l'outil informatique par son travail. Mm-hmm. Et donc, du coup, forcément, bah, nous, on a un peu baigné dedans aussi durant notre enfance, quoi. D'accord. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc LTG Service. À qui s'adresse LTG Service ? Alors LTG Service s'adresse plus particulièrement aux professionnels, donc aux entreprises, quelle que soit leur taille en soi, qui souhaitent du coup communiquer efficacement du coup sur Internet. D'accord. Et à LTG Service, donc à Remiremont, à côté, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez des employés, des stagiaires, un service civique ou autre ? Alors, on est 4 4 salariés du coup, donc 2 salariés en alternance, un en master en génie informatique et l'autre en licence pro e-commerce. Et du coup, ma compagne qui nous a rejoint dernièrement pendant les 6 premiers mois de cette année pour nous accompagner, parce qu'on a eu une forte demande, donc elle nous aide sur le côté un peu plus administratif de la société, et puis du coup moi-même. D'accord. Donc votre compagne, elle travaille dans le milieu administratif ? Alors, pas forcément, non. De base, elle est dans l'animation. Donc, elle avait envie un peu de changement. Et puis, ça lui plaisait aussi un peu de rentrer un peu dans notre monde. Parce que c'est vrai que le monde de l'informatique, c'est des fois un peu obscur. Mais du coup, ça lui a permis du coup de voir que c'était aussi, elle avait aussi des capacités là-dedans. Et c'est comme tout. Il faut savoir faire une fois pour refaire par la suite, quoi. Bien sûr. Donc, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. Quels sont les services proposés par ATG Services ? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors, les services, alors quand on a créé du coup LTG Service, quand j'ai créé plutôt, parce que je parle à première personne, quand j'ai créé LTG Service en 2016, le but c'était vraiment d'accompagner les entreprises dans leur communication digitale. On va dire que dans les Vosges, il y a pas mal de concurrence, mais il y avait encore pas mal d'entreprises qui ne savaient pas communiquer et ils étaient encore sur l'ancienne génération où ils payaient des pages jaunes, entre guillemets, pour communiquer avec leurs potentiels prospects. Sauf qu'en 2016, du coup, c'est plus forcément adapté. Et l'idée d'avoir une communication qui est efficace, que ce soit via soit les réseaux sociaux, soit via son site internet, et maintenant un peu plus particulièrement avec les applications mobiles, c'est vrai que c'est une communication qui est plus, on va dire, adaptée au secteur et à la population actuelle. D'accord. D'accord, donc en faisant mes recherches, donc en préparant cette émission, j'y suis allé, comme je l'ai dit, sur votre site internet et j'ai vu que du coup vous créez des sites vitrines, comme vous l'avez dit également, des sites e-commerce, des applications mobiles et faites même du web marketing. Donc en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que LTG Service est une entreprise de web designer ? Alors non, parce que le côté web designer, on va dire que on est plus le côté développeur, on est plus sur créer, on va dire, la globalité de l'intelligence pour la machine. Le web designer est vraiment lui celui qui fait, on va dire, le côté graphique de la chose. Donc on en fait bien évidemment, mais nous vraiment notre spécialité c'est vraiment le côté logique, logiciel, plutôt que le côté vraiment web design. D'accord. Et donc du coup pour faire ces sites internet, il faut un développeur web. Tout à fait. Et donc c'est vous qui vous en chargez ? Alors c'est moi qui m'en charge avec du coup un de mes apprentis qui est aussi du coup en génie logiciel, donc forcément il nous a bien épaulé dernièrement. Alors un peu moins sur le côté site vitrine, parce que site vitrine, site e-commerce, on va dire c'est des choses assez, il y a pas forcément besoin de gros développement, c'est beaucoup de style et remettre les informations à leur place et savoir du coup communiquer efficacement. Le côté développement apparaît surtout dans ce qu'on appelle les applications mobiles et les applications web, où là il y a vraiment besoin de faire quelque chose qui est vraiment pérenne. Alors application web, ce qu'on appelle application web, c'est un logiciel par exemple pour gérer par exemple une association où on peut créer des fiches clients, créer des notes de dossier sur les fiches clients. Donc c'est plutôt ça le côté application web, est vraiment le fait de créer quelque chose de rien pour en utiliser un outil quotidien pour les entreprises ou pour les associations. D'accord. Donc j'imagine que pour créer une application web et une application mobile, c'est un procédé différent, ou est-ce que c'est exactement le même procédé mais avec quelques petites différences? Alors on va dire qu'en termes de procédé algorithmique, ça reste un peu toujours la même chose, que ce soit du web ou du mobile, ça revient exactement au même. La différence, bien souvent, c'est ça peut être des langages qui sont différents entre les deux. Après on a un large choix quand même de langages informatiques qui existent maintenant sur le monde du web, mais c'est vrai que nous on aime bien pas mal de langages dits web qui s'appliquent également au côté applicatif. Donc on essaye de cumuler les deux pour éviter du coup d'avoir un développement dans un langage puis un autre développement dans un autre langage totalement différent. D'accord. Et donc justement avec, comme vous l'avez dit, vous avez 4 apprentis ? 2 apprentis, oui. 2 apprentis, oui. Et 2 salariés ? Alors moi qui suis salarié puis ma compagne, oui. D'accord. Donc, j'ai oublié ma question. Voilà. Ah, bravo. Bon, je vais réfléchir, là, je vais lancer la pause musicale et je vais réfléchir Donc du coup, je vais annoncer la pause musicale. Avant de poursuivre, je vous propose tout de suite du coup de nous lancer dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son que vous avez choisi, et que nous écoutons le producteur et disque jockey néerlandais Juan D, avec son titre Hurricane. Pour donner un petit peu les références, comme j'aime le faire, cette musique Hurricane est plutôt, voire complètement typée dance electro. Et c'est une chanson, une musique, parce qu'il n'y a pas de paroles, c'est que de la musique, une musique sortie en 2018. Et c'est une musique tirée de l'album Supremacy de Randy, justement. Donc on écoute You Weekend et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. You're all into it. You got one chance to do this. Trust your faith and don't you lose it. When darkness comes, bring the light. Look inside your heart, get through the night. Feel the thunder rise inside. It's time for the fire to reignite. The elements of life can't hit you like a freight train. It's a mind game. In a time frame, face it and take it. Just believe you can make it. Gotta roar like a lion and choose the path of a champion. You're fucking indestructible. This is the time. De retour sur Radio Guémozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Je tenais à m'excuser car je me suis trompé. J'ai dit qu'il n'y avait pas de paroles, mais finalement, il y a des paroles. Donc voilà, c'est une petite erreur de ma part. C'est les aléas du direct, on va dire. Donc vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie, dans nos locaux, de Loïc Létan, qui est là pour nous parler de son agence web LTG Service. Ça va toujours ? Ça va toujours bien. Parfait. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question à mes invités. Car, je le rappelle, dans Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les chansons à passer afin que l'émission leur correspond tout simplement le plus possible. Donc pourquoi avoir choisi cette chanson de Randy ? Y a-t-il une raison particulière ? Alors, c'est une musique que j'affectionne particulièrement, c'est le côté un peu... Alors, j'aime bien tout ce qui est, on va dire, musique assez art style, assez électronique. Donc, c'est vrai que c'est une musique qui est assez mélodieuse et pas forcément comme on peut le penser. Le art style, c'est du boum, boum, boum. Non, il y a quand même quelque chose derrière. Ça reflète une émotion, cette musique. Le rythme est plutôt sympa, j'aime bien. Et c'est vrai que non, c'est un artiste que j'affectionne et que j'ai été voir assez régulièrement en concert aussi, enfin en festival plutôt, quand ça existait. mais voilà, non, c'est un beau coup de cœur, cette musique. Avec le micro allumé, c'est mieux. Donc je disais, d'accord. Donc nous le disions avant la pause musicale, vous avez deux apprentis et vous êtes deux salariés, donc votre compagne et vous. Donc est-ce que vous faites toutes et tous la même chose ou est-ce que chacune et chacun avait, on va dire, une discipline attitrée ? Alors chacun a un peu sa discipline attitrée, bien qu'on essaye de former en interne sur diverses choses, histoire que voilà, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui puisse faire un projet. Mais le but, c'est vraiment de mutualiser les forces afin d'avoir un projet qui est constructif et que tout le monde apprenne quelque chose. L'apprenti en génie logiciel, lui, fait vraiment beaucoup de développement, mais apprend aussi du côté un peu plus pour styliser le côté expérience utilisateur. Le deuxième apprenti en licence pro e-commerce, lui, est beaucoup plus axé sur les sites internet, vitrine et e-commerce et un peu de web marketing du coup, parce que ça va un peu avec, mais on l'a formé aussi à quelques bases de développement histoire qu'il puisse quand même faire 2-3 choses sans que nous ça nous coupe dans notre travail. Moi je suis plutôt hybride, j'ai la faculté d'avoir un peu les deux casquettes, donc c'est vrai que moi je panache les diverses spécialités et du coup ma compagne qui était du coup un peu plus pour le côté administratif, bah du coup elle aussi donne un coup de main sur le côté site internet, vitrine et e-commerce, histoire de nous décharger un peu de charge de travail sur les autres personnes. D'accord. Donc nous le disons depuis bientôt 20 minutes, LTG Service c'est une agence web, donc pourquoi avoir pris la décision de créer une agence web à Remiremont ? Alors, bah déjà, c'était le côté un peu retour aux sources. Donc, comme je vous disais en première partie, j'ai passé du coup 2 ans sur Londres. Donc là, qui m'a permis du coup de travailler dans une société d'informatique qui était spécialisée surtout pour un centre de formation en psychothérapie. Donc du coup, on développait pas mal de logiciels avec ça. Donc je suis rentré en France pour faire du coup 6 mois d'études vu qu'il y avait 6 mois de stage. Donc je suis rentré en France en 2014. Fin 2014, septembre 2014, je suis rentré en France, donc pour les 6 mois de la licence professionnelle. Ensuite, je suis retourné à Londres, du coup, pour faire mon stage, toujours dans la même société. Et au bout, du coup, de ce stage, moi, j'avais une volonté quand même de rentrer en France, parce que c'est vrai que Londres, c'est une très jolie ville, mais moi qui étais plutôt habitué à des villes, on va dire, assez à taille humaine, Londres était, on va dire, un peu plus... à taille humaine, mais par quartier, quoi. Donc c'est vrai que Londres, c'était vraiment une superbe expérience que j'ai appris vraiment pas mal de choses, le côté multiculturalité où vraiment on a une ouverture d'esprit autant sur les gens, sur l'humain, ou vraiment sur le côté professionnel où c'est vraiment une autre mentalité qu'en France. Donc quand je suis rentré en France, la volonté c'était de continuer à travailler avec cette société là, donc sous format de prestation de service, vu que du coup à quelques 1300 km je crois qui séparent les Vosges de Londres, ça permettait du coup donc de me lancer, on va dire, efficacement sur le côté en gardant un client déjà qui était fidèle et que ça faisait quelques années qu'on travaillait ensemble, et surtout de développer le côté local auprès des entreprises vosgiennes. D'accord. Donc, en préparant cette émission, comme je le dis depuis le départ, je suis allé sur votre site internet, donc www.ltg-service.fr, et j'ai vu que chez LTG Service, vous prenez, on va dire, différentes valeurs pour vos clients, la liberté, le respect de leur budget, et vous proposez également des services avec de vraies compétences, et vous prenez également la transparence. Donc, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui, bah voilà, j'allais vous demander, pouvez-vous nous en dire plus, mais je sentais parti. Ouais, j'étais parti. Alors, oui, nous, on a. Alors, sur le secteur, on va dire qu'il y a des grosses sociétés qui se tirent la bourre pour à chaque ouverture de sociétés ou même d'anciennes sociétés qui sont là, mais qui n'avaient pas de site internet. Ils leur vendent des choses qui ne sont pas forcément adaptées à leur structure et des fois vraiment pas du tout personnalisées à leur entreprise et à leur valeur. Nous, ce qu'on prône, c'est vraiment, on va visiter le client, donc on va chez eux, on voit comment ils fonctionnent déjà, comprendre leurs attentes par rapport à la communication, on va dire web, et à partir de là, on fait un état des lieux sur l'existant, sur ce qu'on pourrait faire et c'est ce qu'ils veulent dans les prochaines années. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose, j'entends souvent dire dans le web, ouais, c'est du one shot, vous payez une fois et puis après on vous revoit plus. Nous, c'est pas du tout les valeurs qu'on prône, c'est vraiment l'accompagnement de l'entreprise, que ça soit dans leur projet d'évolution ou vraiment dans leur projet actuel. Donc ça fait une partie, une des valeurs. Donc la liberté, c'est que toutes nos offres sont sans engagement. Donc nous, quand on crée quelque chose, il y a une partie forcément un forfait de création, que ce soit de site ou d'application, qui est au départ. Donc après, on l'échelonne en fonction du nombre d'échéances que les gens veulent, parce que que les entreprises veulent, parce que forcément, c'est un budget des fois qui peut être assez élevé. Donc on essaye d'adapter aussi à leur budget eux qu'ils avaient sur l'année. Et c'est surtout du coup, comme je disais, sans engagement. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent plus travailler avec nous dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, comment dire, on leur met pas un engagement comme beaucoup le font sur 4 ans où ils payent tant par mois et que derrière il n'y a pas forcément le résultat attendu. D'accord. Et j'ai également vu sur votre site internet que les budgets de vos services, les tarifs, sont adaptés pour les TPE, donc les très petites entreprises, et les PME, donc les petites moyennes entreprises. Donc, tout simplement, quels sont vos tarifs? Je suppose que ça dépend de la création. Alors, en fait, ça dépend vraiment du contenu qu'il va y avoir à l'intérieur du site internet. Si du coup on fait travailler des rédacteurs pour vraiment optimiser le site web et le texte du site web en termes de référencement pour qu'il se place de la meilleure façon sur les moteurs de recherche type Google ou Bing. L'avantage alors, qu'on a, c'est vraiment qu'on cale dès le départ, on va dire, ce qu'ils ont besoin. On va pas leur ajouter des choses farfelues juste pour augmenter le budget et puis faire fanfaronner. Le but, c'est vraiment qu'ils aient quelque chose qui soit efficient et efficace pour leur communication. D'accord. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est TPE, PME, vous travaillez déjà avec différents partenaires qui vous font confiance. Pour n'en citer que quelques-uns, on peut citer la LJA, donc c'est la Lorraine Justice Amiable, ou encore la menuiserie Perry, ou même Unique Habitat, et pour en citer un dernier, les MLPRV, la MLPRV, donc c'est la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées. Donc comment se sont passées les prises de contact? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher ou est-ce que ce sont eux qui sont venus vous trouver? Alors nous, on est une entreprise qui communiquons très peu sur le côté commercial de nos offres. C'est vraiment du bouche à oreille qui est efficient depuis maintenant quelques années. Et surtout, on a intégré un réseau d'affaires qui est le BNI, donc Business Network International. Donc c'est un réseau d'affaires qui regroupe... sur le secteur de Remiremont, on est 16 entreprises du secteur où on se voit toutes les semaines pour échanger du coup des recommandations d'affaires, ce qu'on appelle, histoire d'apporter du business à nos commandes et que nos commandes nous apportent également du business. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup évolué grâce à ce levier-là. On se rencontre tous les jeudis matins du coup entre 7h30 et 9h. Donc oui, faut se lever tôt. C'est pas un petit déjeuner. C'est vraiment une réunion de travail comme moi j'appelle. C'est sur mon agenda tous les jeudis à 7h30 et 9h jusqu'à 9h. J'ai ma réunion du coup BNI qui se. En ce moment c'est sous format digital, donc on se voit via Zoom. Mais d'habitude on n'est pas loin d'ici. On est au restaurant Le Petit Stéphanois. Si je situe là en face là-bas, qui nous accueille du coup tous les matins, enfin tous les jeudis matins. Donc ça regroupe vraiment tout type de corps de métier, que ce soit de la prestation de services, de l'artisanat, des restaurants. Il n'y a qu'un restaurant parce que le principe du BNI, c'est que un seul métier est représenté qu'une seule fois pour éviter du coup la concurrence. Pour dire, le principe du BNI est assez simple. Par exemple, toi, Chris, tu recherches un assureur. Mm-hmm. Tu dis, j'aimerais bien changer d'assureur pour ma voiture. Et moi, dans mon groupe, j'ai un assureur. Donc, je vais dire, Chris, bah, écoute, contacte, pour ne pas le citer, mais je vais le citer, Ludovic Vincent, donc AXA à Remiremont, vient de ma part, appelle-le, et puis voyez si vous pouvez faire quelque chose ensemble. Donc, moi, via l'application, du coup, de BNI, je vais dire, bah, écoute, il y a Chris qui recherche à changer d'assurance de voiture, contacte-le aussi, j'en ai parlé, et si vous faites affaire, bah, tant mieux. Donc, si vous faites affaire, bah, il va me remercier, ce qu'on appelle un merci pour le business, donc merci Loïc de m'avoir apporté du coup X euros de chiffre d'affaires, et moi du coup je lui ai juste apporté une recommandation, et si et le principe du BNI c'est qui donne reçoit, donc on apporte des choses aux autres pour en recevoir par la suite également. D'accord, donc c'est comme un échange de bons procédés entre guillemets. Tout à fait, c'est un peu le but du troc à l'époque on va dire, mais du coup sous le format de recommandation d'affaires, mais c'est vraiment très orienté business, on n'est pas là pour, bien sûr on est un groupe de copains entre guillemets parce qu'on se voit toutes les semaines, donc forcément on lit aussi des affinités, mais on est là bien évidemment pour faire marcher nos entreprises respectives. Bien sûr, donc du coup, si j'en crois ce que vous dites, votre prochaine réunion, vu que, je le rappelle, nous sommes en direct, ça se passe demain matin, du coup, par Zoom. Tout à fait, ouais. Ok, très bien. Donc, la petite parenthèse de temps fermé, on va continuer cette émission au fur et à mesure. Donc, vous êtes originaire de la vallée de Remiremont. Tout à fait. Donc, était-ce important pour vous de créer une agence web à Remiremont ? Est-ce que c'était, comme vous le dites, pour un retour aux sources ? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé plus près, entre guillemets ? Non, c'était vraiment le côté retour aux sources. Et c'est vrai que Remiremont, j'y ai vécu toutes mes années lycée. Donc c'est vrai que c'était une ville qui était plutôt attractive. Et puis en termes d'agence web, on n'est pas nombreux sur le secteur. Il y en a une autre du côté de l'écoquartier. Une autre un peu plus importante à Épinal. Donc c'est vrai que en termes d'agence web, le secteur n'était pas forcément bouché. Et nous, dans un premier temps, on cherchait pas forcément à se faire connaître. Donc Remiremont, c'était vraiment le côté un peu ville, mais garder le côté un peu rural aussi à l'intérieur. Donc Remiremont était vraiment le bon compromis entre tout ça. D'accord. Donc également sur votre site internet, vous dites que vous préférez privilégier donc les Vosges. Donc est-ce que justement prôner le local fait partie de vos valeurs, ou est-ce que vous travaillez également avec des personnes qui vivent et ou travaillent à l'autre bout de la France, ou par exemple dans le sud de la France? Alors nous, on prône vraiment le local. Après, on a quelques clients quand même un peu partout en France. Après, bien souvent, c'est des clients qui étaient originaires des Vosges, mais du coup qui sont expatriés à cause du professionnel, enfin à cause ou grâce du professionnel ou personnel. Donc c'est vrai que on n'est pas forcément fermé, mais c'est vrai qu'on va pas forcément développer notre commerce en dehors des Vosges, enfin Vosges Haute-Saône à la rigueur, parce qu'on a quelques clients haute-saônois, donc c'est quand même pas très très loin. Mais c'est vrai qu'on va pas du tout faire de la publicité en dehors des Vosges. Enfin, le but n'est pas là. Enfin, de toute façon, on fait pas beaucoup de publicité, donc autant le faire efficacement du côté local. Et c'est vrai que il y avait un slogan d'un collègue qui est pas loin d'ici à Pulsat à Vignier, acheter local, tout le monde y gagne. Et forcément, ce slogan-là, je m'y reconnais aussi parce que on a beaucoup de choses, on a vraiment un patrimoine assez riche en termes d'entreprises, que ce soit de tous bords, que ce soit des fermes aux alentours ou des entreprises locales qui font fonctionner du local. Donc c'est vrai que oui, c'est une de nos valeurs qui est vraiment importante et implantée. Ouais. Ou peut-être à plus grande échelle la Lorraine, comme Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle? Pas forcément, non. On cherche vraiment pas à aller plus loin, vraiment, on va dire, que Épinal, entre Épinal et Luxeuil. On va pas aller chercher au-delà de ça, parce qu'il y a des agences qui sont, on va dire, beaucoup plus efficientes du côté de Nancy ou du côté de Besançon, qui font ça et qui font ça très bien. Après, c'est comme tout. Nous, on a une politique dans le local. C'est pour faire 2 heures de route pour visiter une entreprise, juste pour visiter une entreprise, c'est pas forcément le but de l'agence. Je pense qu'on a déjà assez à faire sur le secteur vosgien plutôt que d'essayer d'aller voir ailleurs. D'accord. Donc il est 14h30. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions une musique que l'on retrouve dans le célèbre film Intouchable, avec entre autres Omar Sy dans le rôle de Driss et François Cluzet dans le rôle de je ne sais plus son nom dans le film. Mais voilà, musique du compositeur et pianiste italien Ludovico Einaudi et morceau intitulé Una Mattina, que l'on pourrait traduire tout simplement par un matin. Donc un peu de piano, ça va nous faire du bien. Donc on s'écoute Una Mattina et on se retrouve juste après, d'ici près de 7 minutes quand même. Donc à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h37. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Ludovico Einaudi avec son morceau de piano Una Mattina, tiré du film Intouchable avec, comme je disais avant, Omar Sy et François Cluzet. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Loïc Létan, qui est là pour nous parler de son agence web LTG Service. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Loïc ? Oh bah écoutez, toujours très bien. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence, pourquoi avoir choisi ce morceau de piano ? Alors, le piano, c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est le côté très reposant. Quand j'ai besoin de réfléchir, c'est vrai que je mets pas mal de, que ce soit du Ludovico Einaudi ou Jan Tiersen, pour ne citer que ces deux-là. Ça permet vraiment de se reposer sur soi intérieur et puis de faire le tri des choses. Et pour faire un comparatif sur le côté posé, on serait plus sur du piano, et sur le côté quand il faut accélérer et puis mettre du rythme, on serait plutôt sur du Randy, avec un peu plus le côté le pulse qui va bien avec, quoi. D'accord, et puis ça fait du bien un petit peu de piano comme ça de temps en temps. Ah tout à fait, oui, c'est reposant, c'est ressourçant, et puis ça a un côté vraiment de penser juste d'écouter les notes et rien d'autre. Bien sûr, c'est détendant, ça, je sais pas si ça se dit, mais ça détend. Ça se dit, ouais. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. D'autres de vos valeurs, donc chez LTG Service, sont de dynamiser le territoire vosgien, offrir un accompagnement personnalisé à vos clients, ainsi que la créativité. Donc, pouvez-vous nous en dire davantage? Quand vous avez créé LTG Service, était-ce là certaines des valeurs que vous aviez en tête? Ouais, tout à fait, parce que c'est des valeurs que, autant personnellement que je veux appliquer, que j'applique tous les jours. Donc, ma société me ressemble forcément. Donc, prôner les mêmes valeurs, que ça soit du côté professionnel ou du côté personnel, c'est cohérent. Et puis, je pense que je suis quelqu'un de cohérent dans tout ce que j'entreprends. D'accord. Sur votre site internet, toujours, nous voyons également certaines des différentes réalisations que LTG Service a réalisées. Donc, pour en citer quelques-unes, il y a des sites de pronostics sportifs, bien sûr, pronostics avec modération, car ça peut vite devenir une addiction. On peut également voir le site internet du décorateur d'intérieur Cassiope, se trouvant à Éloy, donc pas si loin de Saint-Étienne-Mirmont. Et nous pouvons également voir le site internet de la poissonnerie Messine La Porte Nico, qui est, comme son nom l'indique, une poissonnerie, se trouvant à Ogny, en Moselle. Et pour citer un dernier exemple, vous avez même réalisé un site internet appelé Thin Blue Line, qui est un site internet concernant les forces de l'ordre, il me semble. Tout à fait. Donc j'ai volontairement choisi quelques exemples complètement différents afin de montrer à nos auditrices et nos auditeurs que LTG Service propose des services justement dans tous les domaines. Donc est-ce que c'est aussi là une de vos valeurs d'être très éclectique dans vos réalisations ? Oui, tout à fait. C'est un peu comme la musique. On n'est pas sectaire. On prend, on va dire, tout ce qu'on aime et tout ce qu'il y a. On n'a pas forcément, on n'est pas figé sur une seule pensée, on va dire. Donc ça revient aussi du côté professionnel où forcément il y a toute entreprise, et puis toute entreprise, on a des choses à apprendre sur cette entreprise. Donc on n'est pas fermé, et puis tout ce qui est apprentissage, surtout dans l'informatique, c'est on va dire nécessaire. On ne peut pas ne pas apprendre. D'accord. Donc il est important de noter, comme on disait tout à l'heure, vous préférez privilégier le territoire vosgien, mais du coup, vu que la poissonnerie, ça se trouve en Moselle, c'est important de préciser que la poissonnerie en question, c'est le même patron que la poissonnerie qui se situe, je ne sais plus où, à Saint-Étienne-Mirmont. Oui, juste derrière le Leclerc. Donc la poissonnerie La Porte Nico a divers magasins et points de vente. Donc en tout, ils ont 7 points de vente à travers la Lorraine. Donc la poissonnerie Messine à Ogny, en Moselle, à côté de Metz. Le marché couvert de Remiremont, le marché couvert d'Épinal. Ils ont également Lunéville dernièrement, et également du coup la poissonnerie qui est juste derrière le Leclerc à Saint-Étienne-les-Remiremont. D'accord. Donc justement, même question que pour vos différents partenaires, pour ces différents clients, est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous trouver ? Alors, encore une fois, c'est eux qui sont venus nous trouver, mais par le biais bien souvent de recommandations. On a entendu parler de vous, donc on vient voir ce que vous proposez et ce que vous pouvez nous proposer pour notre entreprise, soit pour le lancement, soit pour du coup communiquer autrement. D'accord, toujours avec le micro allumé, c'est mieux. Donc, on va relancer une petite pause musicale. Hein. Donc, avant de poursuivre, une nouvelle fois, je vous propose de nous relancer, comme je viens de le dire, dans une fréquence que vous avez choisie toujours, et que nous écoutions cette fois un groupe de musique français qui explore plusieurs styles de musique, que ce soit le hip-hop, le punk ou encore la pop. Groupe appelé Stupeflip, et un morceau Apocalypse 894, tiré de leur troisième album studio sorti en 2011, album intitulé The Hypnoflip Invasion, hein, mon accent anglais est toujours présent. Hein. Donc c'est un groupe que j'aime beaucoup également. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Avec leur morceau Apocalypse 894 sur Radio Guimauzo. Vous êtes de retour, il est 14h46. Vous nous écoutez, toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. C'est vrai, dans ma programmation d'émission, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais placé les deux pauses musicales si proches l'une de l'autre. Mais bon, après, c'est la surprise du chef. Voilà, comme ça, vous êtes surpris, vous ne vous attendiez pas. Donc, nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Loïc Létang, qui est là pour nous parler de son agence web LTG Service. Tout est toujours bon pour vous? Tout est OK. Parfait. Donc, vous êtes habitué désormais. Même question que pour les deux précédentes fréquences. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi ce morceau Apocalypse 894 du groupe Stupeflip? Alors encore une fois, sur le côté vraiment multiculturel, là on est vraiment sur quelque chose avec des textes très engagés. C'est et un rythme, on va dire, plutôt orienté rap, mais assez punk à la fois. Donc c'est vrai, c'est le côté, on va dire, multi-casquette que Stupeflip veut rendre dans ses musiques en particulier. Et c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à écouter, puis à se recentrer sur soi, voilà. Bien sûr, et justement, comme je disais avant la pause musicale, personnellement, j'aime beaucoup ce groupe également, car c'est aussi cette diversité, car dans une seule chanson, ils mélangent plusieurs styles. Là, il y a eu du rap, il y a également eu un petit peu de chant. Et ce que j'aime beaucoup chez eux aussi, c'est qu'ils peuvent chanter ou rapper en français, et dans la même chanson, chanter ou rapper en anglais. Donc c'est très multiculturel, et c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve. Donc voilà, j'ai été plutôt heureux quand vous m'avez soumis cette chanson. J'ai dit, ah tiens, je connais. Donc voilà. Bon, bah c'est bien, ça peut nous faire plaisir tous les deux. Bah oui, évidemment. Donc on va reprendre le cours de cette émission pendant les 10 petites minutes qui nous restent. Combien de temps cela vous prend-il pour réaliser un site internet environ? Alors encore une fois, tout dépend du projet, le nombre de pages qu'il y a à faire, les différentes réunions, les allers-retours entre ce qu'on propose et les modifications. Donc il y a des projets qui peuvent être très rapidement si vraiment les choses sont très finalisées du côté du client. Il y en a d'autres qui peuvent traîner longtemps parce que le client sait pas forcément ce qu'il veut, donc du coup on est obligé de l'aiguiller aussi pour lui amener certaines idées, pour dire bah voilà, ce serait peut-être bien que tu fasses comme ça, ou réfléchir à une autre façon de faire. Donc c'est vraiment assez... Alors en moyenne, si on veut vraiment donner une moyenne, on est entre 3 et 4 semaines, vraiment entre le début du projet, enfin le premier rendez-vous, et la finalisation. Après, encore une fois, vu les délais en ce moment, c'est 3-4 semaines à partir, en ce moment, plutôt du mois de juillet, quoi. Oui, j'imagine bien, oui. Donc je ne sais plus si on en a parlé, à la limite ça fera un petit rappel, quand vous travaillez, aucun de vos employés travaille sur un site internet, car nous le rappelons, vous avez deux apprentis et vous êtes deux employés, donc votre compagnie et vous. Est-ce que c'est la même personne qui fait tout de A à Z, ou est-ce qu'il vous arrive parfois de vous relayer? Non, on essaye de vraiment se relayer et d'apporter aussi un peu nos idées chacun, parce que on a tous, on va dire, un esprit critique sur quelque chose, donc forcément deux yeux, voire même quatre, voire même six, vaut mieux que un, donc chacun regarde un peu ce qui est fait, puis amène son petit truc. Ah bah tiens, moi j'aurais fait comme ça. On peut débattre sur certaines choses, et puis on met ensuite du coup en application ce qu'on a décidé pendant ce brainstorming. D'accord. Donc j'imagine que comme dans tous les métiers, il y a des hauts et il y a des bas. Donc est-ce qu'il arrive parfois que vous soyez en désaccord avec un de vos partenaires ou un de vos clients ou une de vos clientes? Alors, on parle pas forcément de désaccord. On peut surtout parler de points de vue différents. Après, on essaye du coup que nous, de nos yeux, du coup, de plutôt professionnels de la communication, on essaye de leur dire d'une façon un peu plus efficace. Ça serait peut-être mieux de faire comme ça, parce que là, tu t'adresses à un public qui a 60 ans et ton public, c'est plutôt les 30-40 ans. Donc, on essaye un peu déjà d'écouter de ce qui leurs arguments, nous on propose les nôtres, et encore une fois c'est entre guillemets le client qui est roi dans tous les cas, mais on leur donne quand même notre façon de penser. On n'est pas là juste pour faire et puis ne pas réfléchir derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment pour eux et pour qu'ils se développent. Donc si on fait des choses qui correspondent pas forcément à leurs valeurs à eux, on saura leur dire. Et dans tous les cas, vous arrivez toujours, tôt ou tard, à vous mettre d'accord. Tout à fait, oui. Pour le moment, on touche du bois, mais en 5 ans d'existence, on n'a jamais eu de conflit irréversible. D'accord. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, il est 14h51. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé? Je pense que ouais, on est en train de sortir, donc là ça devait sortir en avril, mais c'est un peu compliqué de trouver des heures. On fait pas mal de projets aussi en interne pour développer des produits annexes pour du coup LTG Service. Donc là prochainement on va sortir, donc normalement ce serait plutôt entre mi-mai et début juin, on va sortir une application mobile autour des restaurants pour les aider vraiment à communiquer mieux et efficacement dans le secteur. D'accord. Et donc vous êtes déjà en train de travailler dessus actuellement ? Ouais, ça fait un an qu'on a débuté le projet entre depuis le premier confinement, on a vraiment du coup on avait du temps forcément. pour réfléchir à tout ça. Donc on a commencé les premiers développements en juin 2020 du coup. Mm-hmm. On a continué jusqu'à décembre. Donc là, le premier trimestre a été un gros premier trimestre pour nous. Donc on a été obligé de mettre ce projet-là pour le moment de côté, mais toujours de façon à mieux le reprendre après. Donc là, on est en phase de finalisation. Donc autant en termes juridiques, on a déposé la marque et tout ce qui est conditions générales d'utilisation pour les restaurants. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à commercialiser du coup ce produit supplémentaire. D'accord. Et donc peut-être qu'il y a des restaurateurs ou des restauratrices qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que justement cette application, elle sera gratuite ou payante pour eux ? Alors, elle sera payante, mais on va dire à un tarif qui est vraiment très très abordable. On est de l'ordre de 300€ hors taxes par an. Donc quelque chose qui est, on va dire, pour eux dans le secteur, vraiment plutôt abordable. Donc le but, c'est vraiment pas de... On sait la situation qu'ils vivent actuellement, donc on fait, nous, l'effort de voire pas du tout marger sur cette application en termes de temps qu'on a passé dessus, mais forcément faut quand même qu'on rentabilise un minimum notre investissement en temps, mais voilà, ça va être quelque chose qui va vraiment leur servir au quotidien et qui va vraiment leur passer, on va dire, vraiment à la deuxième étape vraiment de la digitalisation que peuvent déjà faire certaines entreprises, certains restaurants dans des grandes villes, on va dire. D'accord. Donc là, justement, il y a une question qui m'est venue en tête comme ça. Du coup, chez LTG Service, est-ce que vous faites des sites dans tous les domaines ou est-ce qu'il y a des domaines que vous refusez à qui vous refusez de créer un site internet ? Alors, on n'a jamais eu le cas, mais bien évidemment, tout ce qui est, on va dire, le côté illégal ou bien le côté pédopornographique et compagnie, ça, on refuse. Mais après, on n'est pas forcément fermé à des choses, de la vente, je sais pas, de beaucoup, j'en sais rien. Donc, en soi, non, on n'est pas forcément fermé. Après, voilà, on en discute. Et si vraiment le projet, on le sent pas et qu'on se dit, voilà, il y a quelque chose, c'est pas très, très légal là-dedans, on se dit, on fera pas affaire ensemble. Et puis voilà. Donc, on n'a pas forcément de limite. Mais voilà, c'est encore une fois, on a quand même assez de connaissances juridiques pour se dire, ça c'est un peu borderline, donc vaut mieux laisser couler, quoi. Bien sûr, vous n'êtes pas fermé, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Tout à fait, c'est comme tout. Oui, bien sûr. Donc si une de nos auditrices ou un de nos auditeurs souhaite créer une entreprise, que ce soit dans le milieu du web ou dans un tout autre milieu, quels seraient les conseils que vous leur donneriez ? Alors moi, je serais plutôt donner un conseil sur vraiment cibler sa clientèle sans trop vraiment être trop sectaire, mais vraiment d'avoir, on va dire, un large choix de compétences en interne pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues en stage pour découvrir un peu ce que c'était une agence web, et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que on a beau avoir le côté, on va dire, très visuel, très design, mais si on n'a pas le côté développement derrière, ça va pêcher à un moment donné, ou alors on sera limité en termes de fonctionnalité. Donc c'est vrai que ce que je peux leur conseiller, c'est vraiment, maintenant il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur internet en formation vraiment en ligne, gratuite, pour vraiment se perfectionner et puis d'apprendre de nouvelles choses. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'aller fouiner un peu sur internet, apprendre, continuer à apprendre et rester du coup dans les technologies et dans ce qui se fait actuellement. D'accord, et si nous voulons avoir davantage d'informations, car en une heure d'émission, c'est difficile de tout aborder, donc si nous voulons avoir davantage d'informations, si nous avons des questions, par exemple, à vous poser, comment pouvons-nous nous y prendre ? Alors, plusieurs façons. La première façon, c'est d'aller sur le site ltg-service@pluriel.fr. Donc il y a un formulaire de contact, donc on vous répondra. On est assez réactif sur le côté des réponses, entre une et deux heures, on est assez régulièrement sur nos boîtes mail. Également avec un numéro de téléphone, le 06 51 78 76 24, ou l'adresse email contact au singulier @ltg-service@pluriel.fr. Et sinon, on a une page Facebook également. D'accord, je mettrai tous les liens en podcast de cette émission demain dans la journée quand le podcast sera publié. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Oh bah j'ai envie de dire plein de belles choses. Bah voilà. Donc est-ce que vous avez un dernier mot ou est-ce que c'est tout bon pour vous ? Non, c'est ok pour moi. En tout cas, merci Chris pour cette invitation. C'était une première pour moi pour la radio et c'est vrai que c'est assez amusant. Et puis c'est nouveau, donc j'aime bien le concept. Bah parfait. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre à 14h57. Je remercie une nouvelle fois Loïc Létang d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. C'est avec plaisir. Par WeTransfer. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou, pourquoi pas, en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec The Budos Band et leur titre Magus Mountain après le générique et avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier à 18h dans laquelle je recevais par téléphone Maud du groupe Baru qui était là pour nous parler de leur premier album sorti il y a quelques jours, le 16 avril dernier, album intitulé La part de l'orage. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Jean-Yves Dionne, auteur, apothicaire, conférencier, ou comme il le dit, pharmacologue québécois à la renommée mondiale, qui sera là pour nous parler de sa carrière. Et toujours lundi à 8h et 13h30, pour votre chronique La Christoire des auteurs, dans laquelle nous continuerons notre voyage dans la vie et dans l'œuvre de la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, entre autres, J.K. Rowling. Merci de votre fidélité à Radio Gamozo. Merci Loïc, encore une fois. Merci Chris. Et je vous dis du coup à lundi. Donc salut et à lundi.